Yeah, monsieur As. Ok, Grégoire, tu l'as pris tête, sur que ça en volume un photo. Rayon guest star tout d'aille, voilà le gros Asmakai. Vise les stars, trouve un canet, place au freestyle. Ma caman, mon cesse blesse. Ravive ceux qui kiffent ma cam, rare et l'espèce. J'y posé au mic, j'vois un vrai vacarme. Je joue les cartes qu'il faut, player, j'mets à l'écart les faux. Mon jeu a du style, gros meilleur, j'vais être alors j'taffe mes défauts. Inconnu au bataillon, tu dis tiens, v'là du nouveau. Ici c'est ça et ça sur la toxique, c'est arme numéro uno. Dirty, v'là grise, l'idée de l'ugly, oui, oui, si, si, papi, au Mikey, flow, easy, appelle-moi Big Daddy, homme du peuple, plein de stress, il paraît. Et merde, faut que je respire, besoin d'air, allez, passe-moi la bonne herbe. Je reste ancien, j'avoue, et ça, ça me fout trop la rage. Sale temps pour moi, de toute façon, ici, je m'habitue à l'orage. Alors, à l'oral, je pète tout, évite de jouer les clones, flow approuvé, ça se passe sur la tape de One Zone. Quoi, tu veux test, moi, team, 93 ennemis d'état, mon crew, bébé leg, je représente les collègues, plante la strip, cap sous manteau, quand tu vois la liste, bon, illégal, c'est normal, c'est du gros son anti-facho, anti-sarco, du son pour les gros, pas les mythos. Les mecs du ghetto sont réunis comme une famille sur la strip tête. C'est du lourd et ça pète comme type bande de gaz. 9-3 de sang comme drapeau, nous sudano sur la peau. Un doigt dans le boule de barreau, un autre dans celui de sarco. J'ai un goût de sang sur les lèvres quand je vois évoluer mon art. Le vent de la révolte se lève, mon rap prend jamais le trottoir. Une mesure bien aiguisée, une pape de rime organisée. On fera ce qu'il faut pour tout niquer. Si nous t'appelles, tu peux miser. Viser les bacs, voilà mon but. Je vais imposer ma signature. Seigneur, la piqûre des bacs, attachez tous vos ceintures. Je débarque comme un foulex sur la strip tape avec un son de gangster qui va te faire taire. Écoute les foulex, ça débarque du terre-terre. Mais qui a dit que le rap était mort? Encore un flic pas chaud, ça devient chaud. Tant de bavures policières, est-ce que c'est clair? Je vais émissaire du nouvel air, je viens baiser le commissaire. Tant de frères qui tombent à terre, c'est pas pour faire la prière. Le CSA veut nous faire taire, je viens racheter la muselière. Pourquoi tu veux test moi team? 93 ennemis d'état mon groove, pépélé, je représente les poulets. Plante la strip, tête sous le manteau. Quand tu vois la liste, bon, illégal, c'est normal. C'est du gros son anti-facho, anti-sarco. Du son pour les gros, pas les mythos. Les lascars du ghetto sont réunis comme une famille sur la strip tape. C'est du lourd, ça pète comme Timo, bande de gaz. Ray-Ban, ça fait longtemps que je suis dans le son, je me défoule en chanson. Je fais pas ça pour jouer, alors je donne pas de leçon. Ça part d'une vie en chantier où personne n'est enchanté. La vie de rêve, on l'aimerait sans l'avoir jamais croisé. On aimerait une vie stable, peut-être pour ça je suis pas fait. T'inquiète, je suis pas fou, juste te résume les faits. Je rentre dans le vif du sujet, un texte écrit en attrait. Comprends pourquoi l'arracher, loin d'une vie dorée. Avec des potes, on a côtoyé le béton. T'as vu au côte-moi encore, on connaît toutes les saisons. Et c'est ça qui fout le moi, on se morfond pas. Malgré les faux pas, fais tourner dans ta zone, t'as senti la tape. Réban au microphone, t'as vu ça sonne. Et j'suis pas venu seul, j'fous mon grain de seum. En gros j'fous mon spum. C'est à part les foulecs de pour One Zone et sa street tape. 3.94, 4 pour ma zone, il faut que ça fait. C'est MP pour One Zone, l'équipe impossible à braquer. Ici règne des bonhommes, nos crocs rayent le plancher. Genre rayent le micro tellement j'lui crache à la gueule. Et si tu veux nous clasher, un conseil vient pas tout seul. On a le seum et ce qu'on sème, c'est la panique sur les mixtapes. Et des instrus on en consomme, presque autant qu'on en paye. Pas moyen qu'on me tempère, j'veux percer la couche d'ozone. C'est Ray-Ban et la piqûre, toxic sound pour One Zone. Pourquoi tu me testes moi, team 93 ennemis d'état. T'as mon crew, fais belek, je représente les poulets. Plante la strip tape sous le manteau. Quand tu bois la liste, bon, illégal, c'est normal. Du gros son anti-facho, anti-sarco. Du son pour les gros, pas les mythos. Les lascars du ghetto sont réunis comme une famille sur la strip tape. C'est du lourd, ça pète comme Thibaut bande de gaz. Ouais, ici c'est One Zone, featuring Monsieur H. Ray-Ban featuring Cyanure. Je voulais placer une petite dédicace à tous les artistes qui ont participé à la strip. Kairo de ATF, La Balablon, Mbro, Venot de MRS, ma team, Killa, Elise, Choubonchen, t'inquiète, c'est la famille, Soy de Jargon Illégal, Case, featuring Latifa, Scarface, Hashmi, Bakara, featuring Steffi, Zé Black, MRS, Daddy, Speed Def, Zetha, Rita, R-I-T-A, t'inquiète, Sista, c'est du lourd, ça relève ça. Ici, à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous soutiendront par la suite, un big big up. Alors écoute frère, nous pour qu'on goûte, si ça pète comme 10 points de gaz.